Bonjour, ici Valérie Levé au microphone de CKRL 89.1 et c'est l'heure de partir sur les rivages de la science avec Futur Simple. Et aujourd'hui, en fait, nous allons plutôt partir en forêt. D'ailleurs, d'abord, en fait, on va partir en forêt à la rencontre du coy-wolf, cet hybride entre le loup, le coyote et le chien. C'est le biologiste Cyril Barrette qui nous en fera la présentation à 18h30. Et pour le moment, eh bien, on va partir en forêt avec Yann Boulanger. Yann est chercheur au Centre de foresterie des Laurentides et il est co-auteur d'une étude sur la restauration forestière des sites dégradés par l'industrie des sables bitumineux. Alors, replanter des arbres, oui, mais lesquels dans un contexte de changement climatique? C'est ce que Yann Boulanger va nous expliquer. Bonjour Yann. Bonjour. Alors, commençons par mettre un petit peu de contexte, Yann. On est en Alberta, là, on parle des sables bitumineux, donc ouais. On est en Alberta. Donc, j'imagine que pour exploiter les sables bitumineux, ben, on rase la forêt. Et là, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, de restaurer les sites? Ça veut dire qu'on va replanter des arbres sur... C'est une grande superficie, en fait. À quoi ça ressemble, tout ça? Oui, il faut comprendre. Bon, évidemment, il y a déjà de l'exploitation des sables bitumineux dans le nord-est de l'Alberta. Il y a une grande partie, en fait, de cette région-là qui est minable, je dirais, minable dans le sens de miner. Ouais, j'avoue que de le dire comme ça. Donc, qui peut être miné, dans le fond, en termes de mine, évidemment. Et donc, c'est une très grande région qui pourrait éventuellement être exploitée de façon beaucoup plus importante là, au niveau des sables bitumineux. Et évidemment, lorsqu'on fait l'exploitation de cette ressource naturelle-là, on doit tout simplement raser la forêt, raser la végétation qui est sur le dessus pour pouvoir creuser, pour pouvoir ramasser, dans le fond, la ressource qui elle-même est souterraine. Mmh. Mais cette zone-là qui doit être minée ne l'est pas de façon éternelle. Donc, après exploitation, les compagnies sont dans l'obligation, dans le fond, de remettre la végétation et même de revenir à une végétation qui était celle initiale. Donc, d'où, justement, le fait de faire de la restauration de site. Et dans ce cas-là, nous, on l'a exploré dans un contexte, justement, de changement climatique. D'accord. Donc, ça veut dire que là, on va remettre les arbres. Donc, on regarde les arbres qui poussent autour, ou les arbres qui étaient là avant, et on va tenter de reforester avec ces arbres-là et de voir si cette forêt va bien pousser avec ce qu'on sait des changements climatiques. Ouais, exactement. Donc là, il faut comprendre qu'on est donc dans le nord-est de l'Alberta. On est dans le bouclier ou en fait à cheval entre les plaines boréales et le bouclier canadien. Donc on a plus une végétation boréale de type épinette noire, peuplier faux-tremble, pin gris dans une certaine mesure. Donc vraiment une forêt qui est typique de la forêt boréale de l'ouest. Qui ressemble quand même dans une certaine mesure à ce qu'on retrouve ici dans la forêt boréale au Québec, mais c'est beaucoup plus sec. Les feux sont beaucoup plus prévalents, je vous dirais, qu'en forêt boréale au nord de Québec, par exemple. Mm-hmm. Le climat est beaucoup plus humide. Continental, en fait, okay. Dans cette région-là, donc beaucoup plus sec. Mm-hmm. Et donc... si on se fait un climat baseline, donc un climat historique, on devrait, dans une certaine mesure, théoriquement, replanter ce genre, ou du moins favoriser le rétablissement de ces sites-là, donc qui contiennent du peuplier faux-tremble, de l'épinette noire, de l'épinette blanche, ainsi de suite. Mais sachant qu'avec les changements climatiques, tout ça va changer, donc là, on essaie de voir si, compte tenu de ce qu'on sait, donc des changements climatiques, ces essences-là vont pouvoir continuer à pousser. Et c'est là qu'on fait une modélisation, mais en fait, comment on fait pour modéliser la forêt? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, en fait, c'est qu'on essaie de voir comment, dans le temps, la forêt va changer, comment elle va répondre, justement, aux changements climatiques. Il y a plusieurs façons dont la forêt peut être influencée par les changements climatiques. Premièrement, la croissance des arbres peut être influencé. S'il fait plus chaud, s'il fait plus froid, certaines espèces sont plus ou moins adaptées, disons, à une certaine température. Ils vont croître plus ou moins bien en fonction de la température, un peu comme dans un jardin, dans le fond. Donc, c'est ce qu'on appelle les effets directs des changements climatiques. Donc, vraiment des effets sur la physiologie de l'arbre, par exemple. Il y a des effets qu'on appelle plus indirects. Donc, c'est des effets, par exemple, où les changements climatiques vont influencer sur les perturbations naturelles, par exemple, qui elles-mêmes vont influencer par la suite la forêt. Donc, par exemple, les changements climatiques vont avoir un impact sur les feux de forêt, qui eux-mêmes, s'ils deviennent plus fréquents ou moins fréquents, vont changer la forêt dans une certaine mesure. Mm-hmm. Donc, nous, notre modélisation vise justement à voir comment ces deux grands groupes de processus-là vont influencer la forêt dans le futur. Et c'est ce qu'on a fait pour la forêt donc, qui se situe sur les sables bitumineux en Alberta. OK, donc ça veut dire qu'on regarde le climat, comment il va jouer directement et indirectement avec les feux de forêt, les épidémies d'insectes, j'imagine. Et on regarde ce que ça donne sur la croissance des arbres, sur la quantité d'arbres qui va pousser. Oui, donc on regarde justement... On est capable de le mesurer? Exactement. Donc, on le mesure en termes, par exemple, de biomasse, donc en termes de quantité d'arbres ou de volume, dans le fond, qu'il va y avoir sur un site. Évidemment, si la croissance est meilleure, il va y avoir une plus grande biomasse. Certaines espèces qu'on prévoit, par exemple, en fonction des changements climatiques, si on parle vraiment d'effets directs, vont avoir plus de difficultés. Des espèces qui sont présentement sur les sites vont avoir beaucoup plus de difficultés à pousser dans le futur. S'il fait plus chaud, s'il fait plus sec, par exemple, l'épinette blanche, l'épinette noire, les essences boréales vont avoir beaucoup plus de difficultés à pouvoir croître. Donc, les espèces qui sont déjà présentes. Alors que d'autres espèces vont pouvoir peut-être en profiter, comme par exemple le peuplier faux-tremble, même s'il va être moins en mesure de croître en raison des changements climatiques parce que la température va lui être moins favorable, c'est une espèce qui se reproduit très bien après feu. Donc, s'il y a plusieurs feux, il va quand même pouvoir subsister après feu dans une certaine mesure. OK, donc on voit que c'est quand même assez complexe. Oui. Et là, on se projette dans combien de temps? On fait cette modélisation là, sur quoi? Sur les 30 prochaines années? Sur les 100 prochaines années? Oui, nous, on fait des modélisations quand même à très long terme. Là, on peut les faire sur 50, 100, 200 prochaines années. En fait, pas le plus long possible, mais disons, c'est nécessaire de pouvoir modéliser sur plusieurs décennies pour voir jusqu'à quel point la forêt va pouvoir répondre au changement climatique. Parce qu'il faut aussi comprendre que les changements climatiques n'arrêtent pas en 2050. N'arrête pas en 2100 non plus. Donc, il faut voir jusqu'à quel point cet effet prolongé là, va être important dans le temps, jusqu'à quel point ce qu'on fait maintenant et ce qu'on va faire dans les prochaines décennies va aussi avoir un impact dans les prochaines 100, 150 prochaines années. Mais là, ça complique quand même l'histoire parce que dans ces deux, un arbre qu'on va planter maintenant, dans les 200 prochaines années, il peut arriver plein de choses. Exact. Il va peut-être brûler. Donc, qu'est-ce qui va brûler? Qu'est-ce qui va repousser après? Mettons qu'il brûle dans 50 ans, cet arbre. Qu'est-ce qui va repousser après dans 50 ans, sachant ce que sera le climat dans 50 ans? Peut-être qu'il va être coupé parce que... Est-ce qu'il y a de l'industrie forestière aussi? Il y a de l'industrie forestière, oui, effectivement. Alors, est-ce qu'il va être coupé ou est-ce qu'il va être rasé pour les mines? Donc, il peut se passer plein de choses dans ces 200 ans qu'il faut aussi inclure dans le climat, dans le modèle. Totalement, totalement. Il faut tenir compte de ça. Donc, un arbre qui, ou du moins un peuplement qui va brûler aujourd'hui, va pouvoir se régénérer, dans le fond, avec les espèces qui sont capables de pousser dans le climat d'aujourd'hui. Sauf qu'un feu qui survient, si par exemple on plante une espèce aujourd'hui et qu'un feu survient dans 50 ans et que le climat s'est réchauffé de 2, 3, 4 degrés, bien l'espèce peut-être qu'elle ne sera pas capable de survivre à cette température-là, ou du moins de se régénérer à cette température-là. Donc, il faut vraiment voir à long terme quelles sont les possibilités, justement, pour faire en sorte que le site ne soit pas trop dégradé, que la restauration du site fonctionne et qu'on réussit dans le fond à maintenir des services écosystémiques tels qu'ils étaient fournis dans le fond avant que la mine soit là. Donc anticiper quelle espèce pourra... Parce qu'on sait qu'il y a une succession dans les arbres. Là, quand il y a un feu de forêt, après il y a les bleuets, après il y a des trembles ou des petits bouleaux, puis après il y a des conifères. Là, je ne connais pas exactement, mais il y a une séquence. Donc, mettons, dans 50 ans, la forêt brûle, mais est-ce que cette séquence sera la même qu'aujourd'hui? Et là, donc, on est obligé de faire quand même pas mal d'hypothèses. Là, c'est pas simple. Non, c'est pas simple, mais c'est là où justement nos modèles viennent aider à comprendre quels sont les processus derrière tout ça, ou du moins comment ces processus-là vont être affectés. D'accord. Donc, maintenant qu'on voit un petit peu comment que ça marche, là, qu'est-ce que ça donne? On replante, qu'est-ce que ça donne la modélisation si on replante les sites en ce moment dégradés par l'industrie des sables bitumineux, qu'on tente de remettre les espèces qui étaient là avant, qu'on tente de les remettre? Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'elles seront là dans 200 ans? Ça donne pas grand-chose, malheureusement, parce qu'on se rend compte que les espèces, ou du moins les populations qui sont présentes sur les sites présentement, vont être très mal adaptés au climat qui s'en viennent dans le futur. Donc, si on plante ou si on favorise, dans le fond, la régénération d'espèces ou même de populations locales, comme du tremble ou du pain gris ou de l'épinette blanche, par exemple, dans 100 ans, la température va être beaucoup plus élevée, ils vont avoir beaucoup plus de difficultés à croître. Il va surtout y avoir beaucoup plus de feux, comme je le mentionnais au départ. Mm-hmm. Et s'il y a beaucoup plus de feux, mais on se retrouve avec beaucoup moins de biomasse, dans le fond, sur le territoire, avec des forêts qui sont beaucoup plus jeunes, qui sont beaucoup plus éparses et qui font en sorte aussi que lorsqu'un feu survient dans un climat qui est beaucoup plus chaud, ben les espèces ont encore plus de difficultés à germer. Donc, imaginez une forêt qui passe au feu, des graines qui sont libérées suite au passage du feu, par exemple, ou des essences qui essaient de se développer grâce à la lumière qui est libérée par le feu, ben ça se pourrait très bien que si les conditions sont très chaudes et très sèches les années suivant le feu, comme c'est le cas, comme ce qu'on prévoit dans le fond dans les prochaines décennies, ben ces arbres-là vont avoir beaucoup plus de difficultés à croître. Mm-hmm. Ça, c'est une particularité, je vous dirais, de la région là-bas. Donc, la région, je vous l'ai mentionné, c'est une région qui est très sec. On est quand même en forêt boréale, mais juste au sud de cette région-là, vous le connaissez probablement, en Alberta, on est plus dans les prairies. Donc, dans un écosystème qui est très sec, où la croissance des arbres est très, très, très difficile, dans le fond, parce que c'est très sec. Mm-hmm. Et on prévoit justement que dans le futur, cette zone de prairie-là va monter vers le nord, va gruger sur la forêt, ce qui fait en sorte que lorsqu'une perturbation va arriver, par exemple, lorsque le feu va survenir, ben plutôt que de se ramasser avec une forêt qui va se régénérer, oups, là, on va être dans un système de prairies probablement, donc ça va être surtout des graminées ou d'autres essences herbacées qui vont prendre la place si, justement, on ne favorise pas des espèces qui, elles, seraient adaptées à un climat futur. OK, donc si on replante, je vais dire, à l'identique, ça ne va pas marcher. On va plutôt glisser vers un genre de prairie. Et là, comme vous le dites, Yann, on pourrait par contre privilégier des essences qui sont déjà adaptées, donc du sud, qui sont déjà adaptées à un climat plus chaud, mais jusqu'à quel point on ne va pas non plus mettre des palmiers, j'imagine. Non, c'est ça. Même les palmiers, je pense qu'il y aurait de la misère. En fait, c'est ce qu'on appelle justement la migration assistée. Quand on parle de migration assistée, c'est qu'on veut prendre soit des populations, soit des espèces d'un autre milieu, pour les amener vers un milieu où leur croissance serait bonne éventuellement en fonction du climat. Mm-hmm. Donc là, vous le mentionnez, si on pourrait prendre, par exemple, des populations de tremble qui proviennent de la région de Calgary, par exemple. Il n'y en a pas beaucoup dans ce coin-là, là, c'est quand même assez sec, mais on prend des populations de cette région-là qui sont légèrement mieux adaptées à un climat plus chaud. Il fait plus chaud à Calgary qu'à Fort McMurray, par exemple. Peut-être 2-3 degrés supplémentaires. Donc là, si on plante ces espèces-là, ces populations-là, à Fort McMurray, on pourrait s'attendre justement à ce que est-ce qu'ils répondent mieux à un climat qui est plus chaud. Je vous dirais que c'est un peu ce qu'on fait, par exemple, ici au Québec. Au Québec, quand on veut planter des arbres après une coupe ou après une perturbation, on a des différentes provenances. Par exemple, pour l'épinette noire, on a différentes pépinières, différentes provenances. Par exemple, on a des graines qui proviennent de Chibougamau, d'autres graines qui proviennent de Saint-Méthode, d'autres graines qui proviennent d'un peu plus du sud. Et on va essayer justement de faire en sorte que les populations qui soient les mieux adaptées, on va prendre les graines dans le fond, pour les populations qui sont les mieux adaptées au climat qu'on va trouver. Si on va planter de l'épinette de Chibougamau à Chibougamau, l'épinette de Saint-Méthode à Saint-Méthode, et ainsi de suite. Sauf que là, la migration assistée, c'est que justement, on change ça. On va planter, par exemple, de l'épinette de Sherbrooke à Chibougamau, par exemple, donc pour que ce soit mieux adapté. Donc, c'est un peu ce qu'on a fait dans ce cas-là. Et on s'aperçoit que effectivement, lorsqu'on prend des populations du sud, ça permet d'atténuer, je dirais, l'impact des changements climatiques sur les populations qui sont locales. C'est pas la panacée, mais ça peut nous permettre d'atténuer un peu l'impact. Mais là, vous dites, on prend des épinettes, on prend des épinettes de Calgary, en tout cas des trembles de Calgary qu'on va planter au nord, mais on reste dans la même espèce. Mais est-ce qu'on peut quand même changer d'espèce, prendre carrément des espèces qui sont au sud et qui ne poussent pas encore au nord? Théoriquement, on pourrait le faire. On pourrait vraiment le faire. Puis, sauf que pour l'instant, les recommandations de la province visent à garder des essences locales. On aurait pu, par exemple, tester. Il y a des essences qui sont quand même bien adaptées à la sécheresse, des essences d'arbres, bien adaptées à la sécheresse et à des températures plus élevées, comme par exemple la pruche de l'Ouest ou encore le pin ponderosa, par exemple, qui pousse en Colombie-Britannique. C'est des espèces qui sont bien adaptées à ces conditions-là. On aurait pu éventuellement les tester pour les amener à Fort McMurray, par exemple. Sauf que là, ça amène d'autres désavantages d'un point de vue écosystémique, je vous dirais. Si, par exemple, on se retrouve avec... on part d'un écosystème où on a de l'épinette noire et du tremble, puis là, oups, on change ça pour du pin ponderosa puis la pruche de l'Ouest, c'est pas mal différent. Les espèces qui sont présentes, les espèces d'oiseaux, d'insectes et quoi que ce soit, ont beaucoup plus de difficultés à s'adapter à un environnement comme ça, c'est ça, que si on implante des essences qui sont très semblables dans une OK. certaine mesure, qui ont les mêmes traits, qu'on appelle les mêmes traits fonctionnels, par exemple, ou Mm-hmm. les mêmes espèces carrément. Donc, ça serait plus facile dans ce cas-là. Ouais, c'est ça, parce que je me disais, si on change les espèces, mais bon, une forêt, c'est pas juste deux ou trois espèces d'arbres, c'est tout un écosystème avec bon, les animaux ou la flore qui sont inféodés un petit peu à ces arbres-là. Donc, Totalement. faut réussir à maintenir le tout fonctionnel. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, mais peut-être que il y a peut-être quand même des insectes qui ne vont pas, ou la faune qui va peut-être pas perdurer dans ces conditions climatiques-là du futur et qui de Totalement. toute façon ne seront pas là de toute façon. C'est vrai, On absolument. n'en sait rien, ça. Non, ça c'est clair. En fait, les changements climatiques amènent beaucoup de questions par rapport à ces situations-là. C'est pour ça que c'est pas évident non plus de modéliser, premièrement, et de choisir quel serait le meilleur scénario Ben pour le non. futur. Non, en plus, on peut le faire une fois, mais on ne peut pas recommencer l'expérience l'année prochaine ou dans 3 ans. Une fois Ah que non, si c'est on ça. a refait les plantations là Ouais. maintenant, on ne peut pas attendre de. Ben, faut attendre de 50 ans ou en tout cas 30 ans peut-être pour voir si ça marche. On ne peut pas recommencer l'expérience 5 ans plus tard, là non plus. Oui, c'est un peu entre guillemets, le problème des forêts, parce qu'il y a une inertie incroyable Voilà. dans le système. Ça prend du temps avant que ce qu'on fait maintenant a un impact dans 50, 60, 70 ans. Donc, on ne plante pas des herbacées là, qui peuvent se renouveler à chaque année. Non, c'est On parle ça. vraiment d'un écosystème qui est très long à pouvoir maturer, là. Donc, c'est très différent. Donc là, vous disiez, Yann, bon, avec ces espèces, bon, choisies, là, en migration assistée, en choisissant un peu les espèces qui seraient capables de survivre dans les conditions climatiques qu'il y aurait à Fort McMurray, par exemple, dans 50 ans, on est capable d'assurer quand même un peu de survie de la forêt par rapport à si on reste avec les essences qui sont actuellement à Fort McMurray? En fait, on serait capable, entre autres, si on choisit des populations, comme je mentionnais, de tremble qui sont adaptées au sud, le tremble du sud va être favorisé dans le nord, si on l'amène là. Le gros problème, c'est les feux. Mais là, les feux vont devenir beaucoup plus importants, puis les feux vont venir carrément, pratiquement manger, surtout selon un scénario climatique très sévère, viendraient manger les gains qu'on ferait en utilisant des populations du sud. Donc ça veut dire que c'est vraiment pas évident là, de pouvoir restaurer les sites. Donc ça marche, mais à condition qu'il n'y ait pas de feu. Et Exact. là, Voilà. cette condition-là va être difficile à remplir. Ça va être assez difficile, ouais. Ça sera pas facile. Mais mettons qu'on y arrive avec donc ces arbres-là, bon, du sud, des trembles à la place des épinettes noires. Là, on parlait d'industrie forestière. Est-ce que Ouais. ça va plaire à l'industrie foresterie s'ils ont des trembles à couper plutôt que de l'épinette noire? Ouais, et ça, c'est une question qui se pose à la fois en Alberta, mais aussi partout, je vous dirais, en forêt boréale, canadienne et ailleurs, en raison des changements climatiques. On va avoir, entre autres, justement, un changement de structure de la forêt, un changement de composition de la forêt, peu importe, en fait, ce qu'on va faire dans une certaine mesure. Évidemment, ça amène à ce moment-là une ressource à être très différente. Et là, il va falloir. On parle d'adapter la forêt, évidemment, mais il faut aussi adapter l'industrie à ça. Donc, à une forêt qui va être différente, à une forêt dans laquelle il va y avoir moins de volume, une forêt dans laquelle ce volume-là va être différent. Et donc, on ne fera pas la même chose avec du tremble si on le coupe, que ce qu'on fait avec de l'épinette noire, évidemment. Donc, c'est une situation qui est quand même très préoccupante, je vous dirais, et très, très difficile pour tous les acteurs du secteur forestier. De constater qu'en raison des changements climatiques, la forêt va changer et que par conséquent, les pratiques et l'industrie elle-même devra s'adapter à ces changements-là. Jusqu'à quel point est-ce qu'il y a une prise de conscience de ces problème, de cette problématique qui se présente à nous, qui se présente à l'industrie forestière en général, jusqu'à quel point il y a une prise de conscience. Ouais. Tu sais, je parlais tantôt de l'inertie dans la forêt. Je pense qu'il y a une inertie aussi dans le secteur forestier dans une certaine mesure. Il y a des mesures qui sont prises, des stratégies qui sont élaborées pour pouvoir pallier, je vous dirais, ou atténuer les impacts des changements climatiques. Je vous dirais que là, on sort un peu de l'Alberta, mais si on se concentre un peu plus sur la forêt du Québec, les feux qu'on a connus cet été, qu'on a démontré justement qu'ils étaient causés, du moins que les conditions climatiques qui causaient ces feux-là sont beaucoup plus probables en raison des changements climatiques, ben ça a donné quand même un grand choc dans la population en général, dans le secteur forestier évidemment, d'où la multiplication, je vous dirais, des conférences et des sommets qui ont lieu. Il y a une grande réflexion justement là, qui se prépare au niveau du ministère des Ressources naturelles et des Forêts pour tenir compte de l'impact des feux de cette année et pas juste ceux de cette année, évidemment, mais ceux que l'on prévoit comme étant plus fréquents dans le futur aussi. Donc, il va nécessairement falloir adopter des mesures pour s'adapter à cette condition-là. Au Québec, les changements climatiques vont beaucoup se traduire par l'augmentation des feux de forêt. Donc, il va falloir apprendre à vivre dans un monde où les feux vont être beaucoup plus importants. Puis j'imagine que dans tout ça, ça doit demander encore des études pour essayer de mieux comprendre ce qui va se passer, pour essayer de trouver les meilleures solutions possibles de sauver la planète. Je ne sais pas si on peut le dire, sauver la forêt. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Mais... Ah, c'est sûr que je ne manque pas de job. il y a des scénarios en masse qu'on peut, comme par exemple, on a des projets de recherche là, qui visent notamment à voir quelles seraient les meilleures stratégies dans un contexte de changement climatique, stratégie forestière, quel type de coupe dans le fond pour être ou jusqu'à quel point on devrait couper ou pas dans une certaine mesure pour pouvoir conserver certaines valeurs de la forêt, conserver un certain volume aussi, savoir préserver les communautés forestières aussi, c'est très très important, il faut le mentionner. Plusieurs communautés forestières plusieurs communautés sont dépendantes, en fait, de la forêt, que ce soit au Québec ou ailleurs au Canada. Donc, il faut assurer la survie de ces communautés-là. Mais comment le faire? Ben ça, c'est très important. Il faut savoir le faire dans un contexte de changement climatique. Oui, c'est ça. Puis il y a tous les usages, les autres usages de la forêt. Là. La forêt n'est pas juste un champ d'arbres à couper. C'est aussi beaucoup d'usages. Il y a des gens qui vivent en forêt et pour aussi tenter de préserver au mieux tous ces écosystèmes, mais en prenant conscience que, de toute façon, il va y avoir des changements. Oui, exactement. Bon, alors, merci beaucoup, Yann, de nous avoir éclairé sur la situation des forêts. Avec plaisir. Et donc, nous étions en compagnie de Yann Boulanger, qui est chercheur au Centre de foresterie des Laurentides.